بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Comme convenu, on va aborder maintenant les ambiguïtés concernant ce sujet, c'est-à-dire la croyance au fait que Allah tabaraka wa ta'ala est au-dessus de ses créatures, au-dessus de son trône, mais s'est établi sur son trône. Et donc il y a donc les groupes qui rejettent cela, ils ont des arguments, des ambiguïtés. On va aborder certaines ambiguïtés, inshallah ta'ala. Et parmi ces incompréhensions qu'ils ont, ils ont mal compris la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard. Et il est Allah dans les cieux et sur la terre. Surat Al-An'am, le verset 3. Surat Al-An'am, verset 3. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Et il est Allah dans les cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous cachez, ce que vous faites de manière publique, ce que vous faites publiquement. Et il sait tout ce que vous accomplissez, tout ce que vous gagnez, tout ce que vous faites. Et donc ici, on a deux explications des gens de science. Deux explications, deux bonnes explications. Je ne parle pas ici, on ne va pas citer les mauvaises explications. La mauvaise explication, elle est claire. Donc ces gens-là, les gens qui ont dévié, ils prétendent que Allah, ça c'est pour ceux qui disent que Allah est partout. Ils nous disent, regardez ce verset, il nous montre que Allah est partout. Et il est Allah dans les cieux et sur la terre. Et donc, il est partout. Alors, on regarde maintenant ce qu'ils nous disent, les savants du tafsir, concernant ce verset. On a deux explications. La première explication, c'est quel est le sens du mot Allah ? Qu'est-ce qui est voulu par Allah ? On l'avait déjà vu. C'est quoi ? Ça veut dire quoi, Allah ? Hein ? Celui qui est adoré. El-Ma'boud. Celui qui est adoré. Et donc, ce qui est voulu par ce verset, c'est il est adoré, il est celui qui est adoré dans les cieux et celui qui est adoré sur la terre. Et donc, les habitants des cieux et les habitants de la terre adorent Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est la première explication. Et la deuxième explication, pour comprendre cette deuxième explication, on va faire ce qui s'appelle un waqf. On va s'arrêter dans la lecture. Et là, les arabophones, ils vont comprendre tout de suite. Wa huwa Allahu fis samawat wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Est-ce que vous avez compris? Donc, on revient en français. Et donc, la deuxième explication, c'est il est Allah dans les cieux, donc au-dessus des cieux. Il est Allah au-dessus des cieux. Et là, on s'arrête. Tu mets un point à la ligne. Il est Allah au-dessus des cieux. Et ensuite, mais dans la terre, ou du moins mais sur terre, il connaît ce que vous cachez, ce que vous faites publiquement et tout ce que vous gagnez, tous vos agissements. Et donc ça veut dire que Allah est au-dessus des cieux, mais malgré le fait qu'il soit au-dessus des cieux, il sait tout ce qu'on fait sur la terre. Et les deux explications sont correctes. Voilà les explications des gens de science concernant ce verset. Ce verset ne montre aucunement que Allah tabaraka wa ta'ala est partout. Est-ce que vous avez compris les deux explications? La deuxième, tu n'as pas compris? La première non plus? La première, tu as compris. Alors la deuxième. Donc on va relire le verset en français. Et El An'am, verset 3. Oui, vas-y. C'est bon? Et il est Allah au-dessus des cieux. Au-dessus des cieux et sur la terre. Et il est Allah au-dessus des cieux et sur la terre. Il connaît ce que vous faites publiquement, en cachette et tous vos agissements. D'accord ? Et donc tu prends ce passage, comme on a en français, dans la langue française, pour changer de sujet, on va mettre un point. Pour ne pas totalement changer de sujet, on va mettre une virgule. Ici, c'est ce qu'on va faire. Et donc, dans cette phrase que tu viens d'écrire, pour comprendre le sens de cette phrase, tu lis. Et il est Allah au-dessus des cieux, virgule. Et sur la terre, il connaît parfaitement ce que vous faites publiquement, en cachette et tous vos agissements. Est-ce que là c'est compris? Voilà. D'accord? Et donc, dans ce verset, et les deux explications sont correctes. Barakallahu fikoum. Les deux explications sont correctes. Et donc, ce verset ne montre aucunement que Allah est partout. Ensuite, le deuxième verset qu'on va voir, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Certes, nous avons créé l'être humain et nous savons pertinemment ce que son âme lui insuffle. Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. C'est celui-là? Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Et donc là, ce verset, ils vont l'utiliser pour dire, regardez. Dans ce verset, on voit que Allah est partout. Puisqu'il est plus proche de nous que notre veine jugulaire. Et les autres qui vont rejeter, ils vont dire, regardez, si tu dis que, si tu affirmes que Allah a une localisation, alors ici, on va le localiser comment par rapport à ce verset? Et donc ils vont te dire, le mieux, c'est de ne pas lui donner de localisation. On va dire, stop! Regardons l'explication du verset. Parce que Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour que lui nous explique le Coran. Il a expliqué aux compagnons et eux nous ont rapporté les explications. Et donc, regardons. Tayyib. L'imam al-Barawi rahimahullah, il dit wa nahnu aqrabu ilayhi, ce qui est voulu par la parole et nous sommes plus proches de lui. C'est-à-dire, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Ce qui est voulu ici, c'est nous le connaissons mieux. Nous sommes plus proches. Nous le connaissons mieux que sa veine jugulaire. Il dit, Al-Barawi rahimahullah dans son tafsir, il dit لِأَنَّ أَبْعَاضَهُ وَأَجْزَاءَهُ يَجِبُ أَوْ يَحْجُبُ يَحْجُبُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَلَا يَحْجُبُ عِلْمَ اللَّهِ شَيْءٌ. Il dit, et donc, nous le connaissons mieux que sa veine jugulaire. Parce que les membres de son corps cachent ou se cachent les uns des autres. Ou alors, ils empêchent aux uns de voir ou d'être, de savoir ce que les autres qu'ils font. Donc les membres du corps sont les uns sur les autres. Tu as l'os, la chair, la peau, l'os qui est au milieu est caché par la peau, ou du moins est cachée par la chair, etc., etc. Mais Allah tabaraka wa ta'ala, rien ne peut lui être caché. Rien ne peut lui être caché. Et donc il nous montre ici qu'il nous connaît mieux que les membres de notre corps. Il nous connaît mieux que les membres de notre corps. Tabaraka wa ta'ala. Et donc quand Allah nous montre qu'il est qaribun, il est proche, ça veut dire qu'il est proche par sa science. Il est proche par sa science. Et on va voir la même chose avec le terme ma'a. Ma'a qui veut dire avec. Avec. Parce que certains peuvent comprendre par le terme avec, quand Allah dit qu'il est avec nous, ça veut dire qu'il est avec nous effectivement. Ça, on va le voir, inshallah ta'ala. Et donc ça, c'est une des explications de ce verset. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Nous sommes plus proches de lui que la veine jugulaire. C'est-à-dire, nous le connaissons mieux que la veine jugulaire. Nous le connaissons mieux que tous les membres de son corps. Ça, c'est une explication. La deuxième explication, Ibn Kathir, il nous dit. Et Ibn Kathir, rahimahullah, que ce qui est voulu ici, ce sont les anges. Nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire, c'est-à-dire les anges. C'est pas Allah. C'est pas Allah, c'est les anges qui sont plus proches. Pourquoi ? Il dit premièrement parce que Allah, il a utilisé le terme nahnu, nous. Il n'a pas utilisé le terme ana, moi. Et que souvent, quand il utilise le terme nahnu, il rentre dans cela les anges. Et Ibn Kathir nous cite des exemples. Quand c'est lui qui ordonne aux anges de faire quelque chose et que les anges le font, il va dire « Nahnu ». Alors Ibn Kathir nous donne des exemples. Il nous dit comme celui, lorsque la mort vient à lui, Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun ». Nous sommes plus proches de lui que vous, cependant vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas quoi ? Vous ne voyez pas l'ange de la mort. Et donc ce qui est voulu ici, c'est l'ange de la mort que Allah a envoyé. Et c'est pour cela que Allah, il dit nous. Allah, il a envoyé cet ange de la mort. Ibn Kathir, rahimahullah, il nous cite un autre verset encore, comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun. Certes, nous avons fait descendre le rappel et nous le protégeons. Ibn Kathir nous dit le premier, nous avons fait descendre le rappel. Qui est descendu avec le rappel ? Jibril. C'est l'ange, Jibril. Et donc il nous dit ici dans ce verset, nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Il dit ce qui est voulu ici, ce sont les anges. Et donc voilà les deux avis des gens de science concernant ce verset. Premier avis, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Mais ce qui est voulu ici, ce n'est pas que Allah est plus proche. Ce qui est voulu par là, c'est que Allah est plus savant. Lorsque Allah utilise le terme qarib, c'est-à-dire que Allah, il sait pertinemment. Il sait pertinemment ce que nous faisons. D'accord ? Et la deuxième explication, c'est que ce sont les anges. Et Ibn Kathir, il renforce son argument avec le verset d'après. Avec le verset d'après. Pourquoi ? Parce que ce verset-là, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, « Wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min habli al-warid » Certes, nous avons créé l'être humain et nous savons pertinemment ce que son âme lui insuffle et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. Ibn Kathir dit, ce qui est voulu, ce sont les anges. Et il dit, ce qui renforce cela, c'est le verset qui vient juste après. Allah, juste après, il dit, إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. Lorsque les deux recueilleurs, les deux anges, ils se tiennent à droite et à gauche pour recueillir. Donc cette personne qui meurt. Et donc ici, il nous dit le kéfir, donc ça nous montre que ce qui est voulu ici, ce sont les anges qui sont plus proches de lui. Et donc on a deux avis. Aucun des deux avis chez les gens de science ne nous montre que ce verset prouve qu'Allah il est partout ou qu'Allah il est nulle part, etc. Voyez. Le verset d'après. La parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. المجادلة le verset numéro 7. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? Il n'y a aucun groupe de trois sans qu'Allah soit le quatrième, soit leur quatrième. Ni cinq sans qu'Allah soit leur sixième. Ni moins que cela ou plus sans qu'Allah soit avec eux où qu'ils soient. Puis il les informe de ce qu'ils faisaient. Au jour de la résurrection, il les informera de ce qu'il faisait, certes Allah connaît toutes choses. Et donc Allah, il n'y a pas un groupe de trois sans qu'Allah soit leur quatrième, il n'y a pas un groupe de cinq sans qu'Allah soit leur sixième. Est-ce que ça veut dire qu'Allah il est avec nous, présent avec nous? Non. Est-ce qu'il est avec nous de son être? Non. Sa science. C'est pour ça qu'il commence le verset en abordant la science et il finit le verset en abordant la science. Il commence le début du verset en disant Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ne vois-tu pas que Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre? À la fin du verset, il dit Inna Allaha bi kulli shay'in alim. Certes Allah connaît toutes choses. Allah connaît toutes choses. Et donc ce que Allah veut dire par là, lorsque Allah nous dit qu'il n'y a pas un groupe de trois sans qu'il soit le quatrième, un groupe de cinq sans qu'il soit le sixième, c'est-à-dire qu'il est avec eux par sa science, pas par son être. C'est pour cela que Al-Barawi rahimahullah, il dit dans son tafsir, Illa huwa rabi'uhum, sans qu'il soit leur quatrième, il dit bil-ilmi, par la science. Par la science. Et donc ce qui est voulu par là, c'est qu'Allah est avec eux par la science. Dans le Coran, on va voir parfois où Allah tabaraka wa ta'ala, il cite qu'il est avec. Il est avec ses créatures. Mais ce qui est voulu par là, attention, il n'est pas voulu par là qu'il est avec nous par son être. Parfois, ça veut dire qu'il est avec ses créatures par sa science, comme ici dans ce verset, il sait pertinemment ce qu'il fait. Et parfois, ça veut dire qu'il est avec eux. Il les soutient. Wallahu ma'al mu'minin. Et Allah est avec les croyants. Ça veut dire qu'il les soutient. Il les soutient. Si aujourd'hui, par exemple, on a un frère qui est actuellement dans une difficulté, je dirais, dans un pays ou dans une autre île, à Trinidad et Tobago, nos frères dans une difficulté, il m'appelle, Abdel Karim, j'ai tel et tel problème, est-ce que tu pourrais m'aider à résoudre ce problème? Je lui dis, non, je suis avec toi. C'est bon, je suis avec toi, ne t'inquiète pas. Inch'Allah, avec les frères, on va essayer de t'aider, bismillah. Taïb, je suis avec toi. Je suis en Martinique, tu es à Trinidad. Est-ce que ça se dit? Oui, ça se dit, même dans la langue française. D'accord? Et donc, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala nous dise parfois dans le Coran qu'il est avec ses créatures, ça ne veut pas dire qu'il est avec eux par son être. C'est soit il est avec ses créatures par sa science, il sait parfaitement ce qu'ils font. Soit il est avec eux, il les soutient. Il les secoue. Et ça, c'est spécifique aux croyants. Ça, c'est spécifique aux croyants. Jazakumullah khairan. Alors, Masha'Allah, il nous reste 9 minutes. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. L'auteur, il dit à la page 11, « Aucune feuille ne tombe sans qu'il ne le sache, ni aucun grain dans les obscurités de la terre, rien de frais ou rien de sec, sans que cela soit dans un livre explicite. » Donc ça, c'est un verset. On va le voir, Inch'Allah ta'ala. Il s'est établi sur le trône et a tout pouvoir sur le royaume. Et donc ici, l'auteur, il nous montre, barakallahu fikoum, ce qu'on a vu précédemment. C'est-à-dire que malgré le fait que Allah tabaraka wa ta'ala soit au-dessus des cieux, il sait pertinemment ce qui se passe sur terre. Et donc les textes où Allah tabaraka wa ta'ala nous montre qu'il est avec ses créatures, cela, ce qui est voulu par là, c'est par sa science. Il est au-dessus des cieux et sait pertinemment ce que ses créatures font. Et Allah tabaraka wa ta'ala, qui nous dit dans son livre, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. Et donc, et à lui, donc, il détient les clés de l'invisible. Aucune personne, personne ne les connaît en dehors de lui, tabaraka wa ta'ala, et il sait pertinemment ce qu'il y a sur terre et en mer. وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Il n'y a aucune feuille qui tombe sans qu'il le sache. Et la suite du verset qu'on a lu au tout début, donc de la page 11. Et ce verset donc de Surat Al-An'am, verset numéro 59. Il y a dans ce verset plusieurs points importants. Premièrement, que Allah tabaraka wa ta'ala, il fait partie de ses spécificités. C'est le seul à détenir les clés de l'invisible. C'est le seul à les détenir les clés de l'invisible, tabaraka wa ta'ala. Et quelles sont les clés de l'invisible? Si on vous demande quelles sont les clés de l'invisible, alors, les clés de l'invisible sont dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu al-ghayth. Certes, Allah, il détient la science, la connaissance de l'heure, la fin des temps. Fait un. Il fait descendre la pluie. Et donc, c'est lui qui sait quand descend la pluie. Wa ya'lamu ma fil arham. Et il connaît ce qu'il y a dans les fœtus. Et aucune âme ne sait ce qu'elle gagnera, ce qu'elle fera demain. Et aucune âme ne sait quand ou dans quelle terre elle mourira. Inna Allah alimun khabir. Certes, Allah est savant et parfaitement connaisseur. Donc la sourate Luqman, le verset 34. Voilà les clés de l'invisible. Si on vous demande quelles sont les clés de l'invisible, il faut me citer donc ces cinq-là. Donc les cinq, Essa'a, l'heure, la fin des temps, la pluie. Personne ne sait quand Allah va faire descendre la pluie. Et c'est là que vous allez me dire, mais Abdul Karim, il y a la météo. Hein? Alors, qui m'explique, s'il vous plaît? La météo secret. La météo, c'est des prévisions. C'est des prévisions. Les étudiants disent, bon, alors, on prévoit, c'est possible que... Non. Allah tabaraka wa ta'ala a enseigné à l'être humain ce qu'il ne savait pas. Mais il y a des choses qu'il ne lui a pas enseignées. Il ne lui a pas enseigné les clés de l'invisible. L'être humain ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Il ne peut pas. D'accord? Savoir ce qu'il y a dans le fœtus. Vous allez me dire, Abdel Karim, aujourd'hui, on fait des échographies, etc. Qui m'explique? Est-ce que l'échographie, dès le début de la grossesse, ils peuvent te dire si c'est un garçon ou une fille? Ils ne peuvent pas. Dis-leur, avancez encore en science. Avancez, cherchez encore. Un peu de science de... J'ai pas entendu, de l'invisible. Un peu de science de... Excuse-moi, j'ai pas entendu le dernier mot. De l'imprévisible. Taïeb. Ça, c'est quelque chose de bien, c'est une bonne question, ça. C'est une très très bonne question. Alors, la question, il nous cite qu'il y a certaines personnes parfois qui connaissent un peu de l'imprévisible, de l'inconnu, de l'invisible. C'est vrai. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on va suivre les communautés précédentes à la trace. Est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Il nous a dit, vous allez vous diviser. Est-ce que c'est arrivé? Oui, c'est arrivé. Il nous a dit, Taïb, on a dit qu'il n'y a que Allah qui connaît l'invisible. Et donc, l'invisible se divise en deux. On note. L'invisible, se... attendez, avant de noter ça, est-ce que vous avez noté les cinq? Non, il y a trois. Trois? Alors, l'heure, la pluie, le fœtus, après le fœtus, on a donc, ah oui, ce qu'on va gagner dans le futur, ce qu'on va faire dans le futur, et on a après cela la mort. Personne ne sait quand il va mourir ou où il va mourir. Je ne peux pas savoir. Les médecins vont prédire, on prévoit que, etc., etc. Oui. Mais quand exactement? Non. D'accord? Et donc, ça, ce sont les clés de l'invisible. L'invisible, on a dit, maintenant, il faut savoir, l'invisible se divise en deux. Première partie, science spécifique à Allah tabaraka wa ta'ala, elle ne l'a accordée à personne. À personne. Ces clés-là, les clés de l'invisible, il n'a accordé ça à personne. Lorsque Jibril est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant l'heure, c'est quand l'heure, le prophète il a dit « Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il ». Il dit « Celui qui est interrogé ne connaît pas plus la réponse que celui qui interroge ». Donc ni moi, Mohammed, ni toi, Jibril, aucun de nous deux, nous ne connaissons la réponse. Ça c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc il y a une science. Donc la science de l'invisible se divise en deux. La première, une science qui est spécifique et propre à Allah, il ne l'a donnée à personne. Et la deuxième science de l'invisible, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde une part de sa science à certaines de ses créatures pour les soutenir. Les prophètes qui nous annoncent la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils ont fait pour savoir ça? Et donc, il y a certaines sciences à qui Allah tabaraka wa ta'ala a donné à certaines de ses créatures. D'accord? Et donc, cette science-là, on appelle, c'est Raïb Nisbi. Raïbun Nisbi. En français, on va dire, Mashallah, Nisbi en fonction relatif. Barakallahu fik. Et donc, c'est une science qui est relativement invisible. Ça dépend de la personne. Donc, pour nous, ça fait partie de l'invisible. Pour le prophète, non. Pour le prophète, non. Le fait de savoir que la communauté va se diviser, non. Pourquoi? Parce que Allah lui a accordé cette connaissance. Et donc, à partir de là, toute personne qui va venir prétendre connaître l'invisible, savoir ce que tu vas faire demain, etc., etc., etc., toute personne qui prétend connaître l'invisible rejette la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. La sorcellerie, la voyance, etc., etc. Et donc c'est important, le maraboutage, tout ça, ça rentre dedans. Et donc c'est important, barakallahu fikoum, de comprendre ce grand danger. Et donc voilà pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Et demain, on reprend cette série de cours à la page 12. Bi'idnillahi ta'ala, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.